Dois-je te prendre au sérieux? Te regarder dans les yeux? Alors dis-moi qui tu es. Est-ce un masque ou la vérité? Je ne sais plus à qui parler. Alors dis-moi qui tu es. Oh, oh, oh. Consumé dans notre propre feu. Même la confiance est partie voir ailleurs. On se foutait de la gueule, la sincérité. Derrière la porte, j'avais laissé par terre mon cœur. Et dans ce lit, j'en oubliais qui j'étais. Le mensonge est un art qui m'est aussi familier que ma propre femme. Bang, bang, bang, bang, bang. Si tu n'es pas une amie ni même ma maîtresse, alors donne de quoi me contenter. Celle que j'aime, je sortais le casque. Mentir est devenu un exercice dangereux. Tout ça pour goûter à ton paradis épineux. J'étais devenu quelqu'un qui n'aimait pas sa personne. Les regrets et les remords sont venus changer la donne. Le mensonge est un art qui m'est aussi familier que ma propre femme.